الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, inshallah, c'est le 19e cours du livre مئة سؤال وجواب في العقيدة, 200 questions et réponses dans la عقيدة. Et en ce moment, on est en train de parler de arkan al-iman, c'est-à-dire les piliers de la foi. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. Man yudhakkiruna bi arkan al-iman. Qui nous rappelle quels sont les piliers de la foi? Rapidement. Qui nous rappelle les piliers de la foi? Rapidement. Croire en Allah. Croire en ses anges, croire en ses livres, en ses messagers, le destin, que ce soit bon ou mauvais. Ça, c'est le dernier. Avant ça, اليوم الآخر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. La croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et on a vu, c'est quoi la hikma? Ma hiya al-hikma min hadha at-tartib? On a vu le pour quelle raison il y a cet ordre. لأن قبل كل شيء لا بد من الإيمان بالله عز وجل. Parce qu'avant tout, il faut avoir la foi en Allah. Subhanahu wa ta'ala. ولا يكون الإيمان بالله إلا إذا قرأنا كتابه والذي جاء بالكتاب هو ملك من الملائكة فهو الركن الثاني. الملك جاء بالكتاب فالركن الثاني هو الإيمان بهذا الملك ثم الإيمان بالكتاب الذي جاء به هذا الملك. La première chose, c'est qu'on doit croire en Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est qu'on peut croire en Allah sans avoir lu le livre d'Allah azza wa jal. Et le livre d'Allah est venu avec un ange, d'accord? Donc on doit croire à cet ange, cet ange qui nous a amené le livre d'Allah. Donc on croit en Allah, aux anges qui nous ont ramené les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم نؤمن بالرسل لأن هؤلاء جاءوا ليفسروا كتب الله عز وجل. Plus on croit aux messagers parce qu'ils sont venus nous expliquer ce qu'il y a dans les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم نؤمن أن هذا كله من أجل أن نستعد ليوم القيامة فهو الركن الخامس. Ensuite on croit à toutes ces choses là et toutes ces informations, la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, nous servent à se préparer au jour de la résurrection. ثم نؤمن بأن هذا كله مكتوب في قدر الله عز وجل فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Et ensuite on croit que tout ce qui se passe ne se passe que par la volonté d'Allah et par ce qu'Allah عز وجل a destiné et écrit. Donc on a vu الركن الأول الذي هو الإيمان بالله. On a vu le premier pilier qui est la croyance en Allah, la foyance en Allah, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la semaine dernière on a vu le deuxième pilier qui est la croyance aux anges, al-iman bil malaika. Man alladhi yudhakkiruna bihi? Qu'est-ce qui nous rappelle ce qu'est la croyance ou la foi aux anges? Ma ma'na al-iman bil malaika? Ils existent. Hada awwal shay. La première chose, al-iman bi wujudihim. هذا شيء شيء واضح. C'est une chose claire. Ensuite, non, tout ça c'est après. On a dit que la croyance aux anges c'est quelque chose de bien précis, et après tout ça c'est des détails. Mais premièrement, la croyance aux anges, c'est de croire. Qui me rappelle? C'est quoi la croyance aux anges? Chaque ange est destiné à faire quelque chose. Ça justement, ça fait partie des détails. Mais c'est pas dans la définition directe. C'est les serviteurs d'Allah. Voilà, barakallah. Premièrement, on croit qu'ils existent. Deuxièmement, ils sont des serviteurs d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ils ont été créés pour obéir à Allah. خُلِقُوا لِطَاعَةِ اللَّهِ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ils ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal et ils mettent en pratique directement les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, s'ils sont des serviteurs d'Allah, ils n'ont pas droit à quelque chose. نعم. إذا كانوا هم عبادا لله فمعنى هذا أنه لا يجوز عبادتهم لأنهم هم عباد. S'ils sont des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, on n'a pas le droit de les adorer. Parce que eux, ils adorent Allah Azza wa Jal. Troisièmement, خُلِقُوا مِنْ مَاذَا. Ils ont été créés de quoi les anges? خُلِقُوا مِنْ نُور. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور. Ils ont été créés à partir de lumière. Et l'homme, il a été créé à partir de quoi? De terre. Et le djinn, il a été créé à partir de quoi? Barakallahu fikum. Ensuite, on a vu que al-malaika lahum a'mal wa wadha'if. Que on a vu que les anges, ils ont des choses à faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à chaque ange des choses à faire. On a vu qu'ils sont nombreux. عددهم كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل. On ne sait pas combien ils sont, mais on sait qu'ils sont très très très nombreux. D'accord. ما هو ثمرة الإيمان بالملائكة. Après qu'on a vu les détails, qu'est-ce que ça te ramène la croyance aux anges comme résultat dans ton cœur? Qu'est-ce qui peut me donner une chose? هذا أول شيء تعظيم الله عز وجل. La grandeur d'Allah تبارك وتعالى. Pourquoi? Parce que s'ils sont nombreux et on a vu qu'il y a des malaïka خلقوا ساجدين حتى يوم القيامة يبقون ساجدين ومنهم من هم ركع يعني راكعين إلى يوم القيامة ومع ذلك يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. On a vu qu'il y a des anges qui ont été créés, ils sont prosternés, ils sont en prosternation depuis qu'ils sont créés jusqu'au jour de la résurrection. D'autres, ils sont inclinés jusqu'au jour de la résurrection et ils disent subhanallah, subhanallah. Et le jour de la résurrection, quand Allah tabaraka wa ta'ala va nous réveiller, il va nous ressusciter, ils vont dire subhanak, on t'a pas adoré comme il fallait. On t'a pas assez adoré. Alors qu'ils n'ont fait que ça. Ils ne pouvaient pas faire plus. Ils n'ont fait que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il nous a donné wasf al-malaika. Ou ba'd awsaf al-malaika. Il nous a donné des descriptions des anges. Wa min hadha wasafa Jibril alayhi salam. Le prophète alayhi salam, il nous a montré comment il est Jibril. Et toi, si tu entends comment il est Jibril, tu vas comprendre encore plus comment Allah tabaraka wa ta'ala, il est immense. Azim, kabir, ali, subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, fi Jibril, lahu sittatu mi'ati janah, qad sadda al-ufuq. Il a dit que Jibril, il a 600 ailes et que il a couvert tout l'horizon. Al-ufuq mad al-basar kullu ma tara bi'aynayk. Tout ce que tu peux voir avec tes yeux, Jibril alayhi salam, il a tout recouvert. Wa fi riwaya bi janah wahid sadda al-ufuq. Yani kullu janah yasudd al-ufuq. Et dans une autre version du hadith, l'ange Jibril avec une seule aile, combien d'ailes il a? 600. Avec une seule aile, il a recouvert tout l'horizon. سدد الدنيا وما فيها. Il a recouvert la dunya avec une seule aile. ومع ذلك هو خلق من مخلوقات الله عز وجل. Et avec, malgré ça, ce n'est qu'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. إلا أنه من أشرف عباد الله. Il fait partie des meilleurs serviteurs d'Allah سبحانه وتعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les من الملائكة حملة العرش, ceux qui portent le trône, il y a un hadith, et j'en suis sûr, la plupart de vous n'avez jamais entendu ça. Et le prophète, alayhi salam, il a dit qu'il y a un ange, parmi les anges qui portent le trône, son pied, il est dans la septième terre. L'ana al-ard, al-aradin, saba. Il y a sept terres et sept cieux. As-samawat saba wa al-aradin saba. Allah alladhi khalaqa saba samawatin wa min al-ard mithlahun, mithl al-adad. Allah a créé sept terres et sept cieux. Son pied, il est dans la septième terre. Et il a une corne avec laquelle il porte le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a un pied dans la septième terre et il va jusqu'au trône d'Allah. Imaginez-vous comment il est grand en ange là. Et malgré ça, c'est qu'un un serviteur parmi tant d'autres, parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa al-iman bil malaika yurithu fil qulub ta'zim Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la foi aux anges ramène dans le cœur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. الركن الثالث ما هو هو الإيمان بالكتب. Le troisième pilier c'est la croyance aux livres. فقبل كل شيء جاء هذا السؤال السؤال السابع والسبعون ما دليل الإيمان بالكتب. لماذا؟ لأن ديننا مبني على الدليل على العلم وعلى المعرفة لا نتكلم إلا بما قال الله أو بما قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فقبل أن تعرف ما هو الإيمان بالملائكة لا بد أن تعرف ما هي أدلة الإيمان بالملائكة. Donc cette question numéro 77 nous dit quelle est la preuve que le musulman doit croire al kutub, l'iman bil kutub. Quelle est la preuve que le musulman doit croire aux livres? Et avant même de nous définir, de nous expliquer qu'est-ce que c'est la foi au livre, il nous dit quelle est la preuve. Parce qu'il veut t'enseigner une chose dans ça. C'est que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est basée que sur des preuves. Et lorsque tu parles dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois parler avec science et avec connaissance. Donc avant de savoir ce qu'est la foi au livre, tu dois savoir quelles sont les preuves qui nous montrent qu'on doit croire au livre. Al-Jawab. أدلته كثيرة منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Il y a beaucoup de preuves qui nous montrent l'obligation de croire au livre. Et parmi ces preuves, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous qui avez cru, ayez la foi en Allah, ou bien croyez en Allah, en son messager, et au livre qu'il a fait descendre sur son messager. هنا والكتاب الذي نزل على رسوله. ماذا يقصد الله عز وجل؟ Allah ici dit le livre qui a fait descendre sur son messager. De quel livre il parle? Ouais, Rasul Muhammad عليه الصلاة. والكتاب ما هو؟ نعم بارك الله فيك. والكتاب الذي أنزل من قبل. Allah عز وجل nous dit ici de croire au Coran et de croire aux livres qui ont été révélés avant le Coran. وقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. Et dans cet autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qu'on doit dire et ce à quoi on doit croire. Allah dit, dites, nous croyons en Allah et en ce qui nous a été fait descendre, et nous croyons également à ce qui a été fait, à ce qui est descendu sur Ibrahim, sur Ismaïl, Ishaq, Yaqub, sur les tribus, sur ce qui a été descendu sur Moussa, Isa. Donc ici Allah il nous montre subhanahu wa ta'ala qu'il a descendu des livres à tous ces prophètes là. Tous ces prophètes là qui ont été cités dans ce verset, ils ont reçu un livre. Ils ont tous reçu un livre. Wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim, et ceux que les prophètes ont reçu de la part de leur Seigneur, la nufarriqu bayna ahadin minhum. Et nous ne faisons aucune différence entre l'un ou entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils sont tous la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nufarriqu bayna ahadin minhum fi kawnihim min kalamillahi azza wa jal wa illa fal-Qur'an afdalu hadhihi al-kutub. Le Coran est le meilleur de tous ces livres. Mais quand on dit qu'on ne fait pas de différence entre ces livres, c'est-à-dire dans le fait qu'ils sont la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. والآيات وغيرها كثير ويكفي في ذلك قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وهذا إيمان مجمل أي نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل. Et dans ce verset, Allah nous montre de manière globale. Les deux versets qui ont été cités avant nous parlent de livres. Le livre qui a été révélé à Ibrahim, à Ishaq, à Yaqub, le livre qui a été révélé à Isa, à Moussa. Et ensuite, de manière globale, on doit croire à tous les livres. Allah dit dans ce verset et dit « Je crois à ce qu'Allah a fait descendre, à tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre. » Donc le croyant, il doit croire à tout ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre comme livre. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que le Coran a par rapport aux autres livres. As-su'al al-thamin wa sab'un, question 78. هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ Est-ce que tous les livres ont été nommés dans le Coran? Ah, il y a des gens qui se sont pressés à dire oui. استعجلوا وقالوا نعم. وليس كذلك. Allah عز وجل لم ما سمى جميع الكتب في القرآن. Est-ce qu'Allah عز وجل a nommé tous les livres qu'il a révélés dans le Coran? Non. Il n'a pas révélé tous les livres. Combien elle en a révélé? 3. Hein? 4. Jamel, tout à l'heure, il a dit à Allah, il a révélé tous les livres. Je lui ai dit, non, il n'a pas révélé tous les livres. Après, quand j'ai dit combien, il a dit 3. Hein? Jamel, il a dit 3. Rafiq, il a dit 4. 5. Hissam, Ibrahim et Abdelkarim, ils ont dit 5. Qui est-ce qui a raison? C'est ceux qui ont dit 5. Quel livre Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran? القرآن الإنجيل التوراة الزبور إلا أنا سيتي 4 القرآن الإنجيل التوراة الزبور إلا موك 1 سيكوا صحف إبراهيم وموسى. طيب la réponse à cette question, الجواب سمى الله منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وذكر الباقية جملة يعني بدون أن يذكر الأسماء. فقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل الآية. Donc il nous dit parmi les livres d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a donné le nom de quelques-uns dans le Coran qui sont premièrement At-Tawrah, qu'on dit en français c'est la Torah, mais on dit At-Tawrah. Al-Injil, donc At-Tawrah Utiyaman Moussa alayhi salam, c'est lui qui a reçu At-Tawrah. Ensuite Al-Injil, qui est-ce qui a reçu l'Injil? Isa. Et l'Injil, c'est ce qu'ils disent en français l'évangile. Waz-Zabur, c'est le prophète Daoud. وصحف إبراهيم وموسى طيب. Et les autres livres, Allah Azza wa Jal n'a pas cité les noms. Donc dans un verset, Allah a dit il t'a fait descendre le livre en toute vérité pour attester de la vérité des livres qui l'ont précédé. Donc Allah ici parle au prophète alayhi salam. نزل عليك الكتاب ما هو القرآن لماذا مصدقا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه أي لما قبله مصدقا لما قبله من الكتب وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. Donc Allah عز وجل a révélé le Coran au prophète عليه الصلاة والسلام. Et il dit ici il t'a fait descendre le Coran ou le livre en toute vérité, c'est-à-dire le Coran, pour montrer que les livres qui l'ont précédé ont dit vrai. C'est-à-dire que les livres qui sont venus avant sont bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant, il a aussi fait descendre la Torah et l'Injil. Wa qawluhu ta'ala wa atayna Dawuda zabura. Et dans le verset où Allah azza wa jal nous informe qu'il a donné comme livre au prophète Dawud ce qu'on appelle al-Zabur. الزبور هذه الكلمة الأصل معناها الكتب ثم استعملت في الكتاب الذي أوتي داود. La base de ce mot Zabour, à la base, ça veut dire les livres. Et ici, il a été utilisé pour dire le livre que Daoud a reçu. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَتَبَنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. الزبور هو هنا ليس زبور داود. المقصود هنا لقد كتبنا في كتب الأنبياء من بعد الذكر والمقصود بالذكر اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Donc on voit dans un autre verset qu'Allah a employé le mot Zabour, mais il nous parle avec ce mot-là des livres. Donc à la base le mot Zabour ça veut dire les livres, mais le livre qui a été révélé à Daoud s'appelle aussi Zabour. وقال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى فذكر في هاتين الآيتين صحف إبراهيم وموسى ومن العلماء من قال صحف موسى هي التوراة. Donc ici dans ce verset Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a révélé à Moussa et à Ibrahim des feuillets, et certains des savants disent que les feuillets que Moussa a reçus c'est Torah. Et Ibrahim aussi a reçu des feuillets. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Et Allah Azza wa Jalla a dit que il a envoyé ses messagers, et certes nous avons envoyé nos messagers avec des preuves claires, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens soient justes. Donc Allah ici nous montre que l'Anbiya ja'u bi kutub wa anzalna ma'ahum al-kitab. Kul wahid lahu kitabuhu. Et Allah Azza wa Jal nous montre dans ce verset que chacun des prophètes qui a reçu un livre, parce qu'ils n'ont pas tous eu un livre. Laysa kullu nabi ja'a bi kitab. Ce n'est pas tous les prophètes qui ont reçu un livre. Donc Allah nous montre ici que chacun ou plusieurs parmi les prophètes ont reçu un livre. قال مؤلف الكتاب فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا فنقول فيه ما أمر الله به ورسوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. الكتاب الذي نعرفه نؤمن به ونؤمن بما عرفنا منه والكتاب الذي لا نعرفه نؤمن أن الله أنزل كتبا. Donc ici il nous montre que ce qui nous a été détaillé comme information sur les livres, on doit y croire. Donc on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la Torah, et on sait que la Torah a été révélée au prophète Moussa, et on a des informations sur des choses qui sont dans la Torah par rapport au Coran. Toutes ces informations-là, on doit y croire. Pareil pour l'Injil. Et pour les autres livres, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas cité d'informations. Donc on doit croire qu'il y a des livres qui ont été révélés sans savoir ce qu'il y a dedans. C'est vrai, c'est clair. Et on doit dire, comme Allah nous a ordonné de dire, je crois à ce qu'Allah, à tous les livres qu'Allah a fait descendre. Donc tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre comme livre, on doit y croire. Maintenant qu'on a compris ces choses-là, السؤال ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل. السؤال السابع والسبعون. La 19e question, التاسع والسبعون. La 79e question. Qu'est-ce que la foi au livre d'Allah? أنت تؤمن بالكتب. ما معنى إيمانك بالكتب? Tu crois au livre. Qu'est-ce que ça veut dire de croire au livre? الجواب معناها التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل وأن الله تكلم بها حقيقة فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري ومنها ما كتبه الله تعالى بيده. كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا إلا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Donc cette question va nous expliquer, ou la réponse à cette question va nous faire comprendre qu'est-ce que veut dire la croyance au livre. Et la réponse qu'il a donnée ici, c'est le fait d'être convaincu, premièrement, que les livres sont révélés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Que les livres ont été faits, ont été descendus par Allah, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, qu'Allah, azza wa jal, a parlé avec ses livres. Takallama bil Qur'an, haqiqatan. Allah Azza wa Jal a parlé bil Qur'an wa bi ghayrihi min al kutub, avec le Qur'an et avec autre. Wa lidhalika taqul qala Allah, qala Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal qala fil Qur'an, qala Allah hadha yawmun al-muhim qala Allah kathir fil Qur'an. Le mot qala Allah, Allah a dit, est très nombreux dans le Qur'an. Donc on voit que les livres d'Allah sont la parole d'Allah. Allah a parlé avec ces livres-là, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il les a fait descendre. Donc il a parlé. Qui est-ce qu'il a entendu? On parle du Coran. Jibril alayhi salam. Sami'ahu min Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma anzalahu. Ensuite, il l'a fait descendre. Bi wasitati man? Jibril. Avec quel intermédiaire? Avec Jibril alayhi salam. Et on va rajouter deux choses de la foi au livre. Troisièmement, أن الكتب أنزلها الله عز وجل ليحكم الأنبياء بها على الناس. Troisièmement, Allah a fait révéler les livres, il a fait descendre les livres et les a donnés aux prophètes pour que les prophètes et les messagers jugent entre les gens. لذلك الله عز وجل قال في القرآن. Pour ça qu'Allah a dit dans le Coran, إنما كان قول المؤمنين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Allah a dit, la parole des croyants, lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, n'est que de dire on a entendu et on a obéi, et ceux-là réussiront. Donc Allah Azza wa Jalla nous explique et nous montre que les prophètes ont le devoir de juger entre les gens. Avec quoi ils jugent? Bimada yahkumu al-anbiya bi kutubillah bi kalamillah azza wa jalla. Les prophètes jugent avec la parole et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, quatrièmement, an al-Qur'an nasakha jami' al-kutub. Wa ma kana min fiha min sidq فهو موجود في القرآن وما كان فيه من كذب كذبه ونسخه أو وما كان فيه مما يريده الله عز وجل إلى الآن صدقه القرآن وأقره وما كان منها لا يريده الله عز وجل بعدها يعني يريد بعد هذه الكتب شيئا آخر نَسَخَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ بِالْقُرْآنِ. المهم on va expliquer ça. وَمَا كَانَ مِنْهَا فِيهَا مِنْ تَحْرِيفِ كَذَّبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِي الْقُرْآنِ. Donc la quatrième chose, c'est que le Coran, il a abrogé tous les autres livres, c'est-à-dire que après la révélation du Coran, on doit suivre le Coran et aucun autre livre. Donc on doit croire que les livres qui sont venus avant sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque le Coran a été révélé par Allah Azza wa Jal, il a abrogé tous les autres livres et il a pris le dessus, il a pris la place de tous les autres livres. Donc ce qu'il y a dans les autres livres qu'Allah Azza wa Jal veut encore, Allah l'a cité dans le Coran. Ce qu'il y a dans les autres livres qu'Allah ne veut plus, Allah l'a effacé, l'a abrogé dans le Coran. Et ce qui a été falsifié, Allah l'a démenti dans le Coran. Donc ce qui veut dire que maintenant on doit prendre le Coran et aucun autre livre. Et aucun autre livre. Et les autres livres maintenant, ils sont falsifiés. Allah Azza wa Jal nous a enseigné que les autres livres, comme la Torah, l'Injil et les autres livres, ou les livres qu'on connaît, ils ont été falsifiés. La main de l'homme a touché ces livres-là. Ils sont mélangés entre la parole d'Allah et la parole de l'homme. Ce qu'il y a de vrai, on n'en a plus besoin parce qu'il y a dans le Coran. Et ce qu'il y a de faux, Allah Azza wa Jal nous l'a démenti. Donc maintenant, on doit croire que Allah a révélé l'Injil et il a révélé la Torah et ces livres-là. Et on croit que quand ces livres étaient dans la main de l'Anbiya, ils étaient entièrement la vérité. لما كان الإنجيل في يد عيسى كان كله حقا ولما كانت التوراة في يد موسى كانت كلها حقا والآن محرفة ونؤمن أن الإنجيل والقرآن كلام الله ولكن الآن حرفوهما. Donc ce que Moussa avait dans la main comme Torah, c'était entièrement la vérité. De même que ce que Isa avait dans sa main de l'Injil, c'était entièrement la vérité. Mais après leur mort, cela a été falsifié. Donc on croit maintenant de manière globale que le Coran et la Torah sont la parole d'Allah, qu'Allah a envoyé au messager, mais qu'après elle a été falsifiée. Et tout ce qu'il y a dedans qui est encore vrai, premièrement on ne peut pas savoir ce qu'il y a de vrai de faux parce que l'homme l'a touché. Deuxièmement, même si on savait ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a dans le Coran nous est suffisant, on n'a plus besoin de revenir à ce qu'il y a dans ces autres livres. Donc, comment Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les livres? La réponse, elle est dans ce verset. Allah azza wa jalla a dit: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. هذا أول. ثانيا: أو من وراء حجاب. ثالثا: أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. Allah azza wa jalla nous a montré que al-wahyu ou inzal al-wahyu yakunu bi ahadi thalathati umur. Allah nous a montré que la révélation des livres wa alaykum salam a lieu avec une de ces trois choses là. Dans ce verset, Allah dit: et il n'appartient pas à un homme qu'Allah lui parle sauf, et là il va nous dire trois choses: par révélation, ou bien derrière un voile, ou bien en envoyant un messager qui va lui ramener la révélation, ou qui va, avec lequel il va révéler ce qu'il veut. فَمَا مَعْنَا وَحْيًا كَيْفَ كَانَ وَحْيًا كَيْفَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ الْقُرْآنِ. Comment Allah a révélé le Coran? Avec ces trois choses-là. أَوَّلُ شَيْءٍ الْوَحْيِ. الْوَحْيِ كَيْفَ كَانَ وَهُوَ الْإِلْهَامُ فِي الْقَلْبِ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلهم في قلبه شيئا من كتاب الله عز وجل بدون أن يأتي جبريل وبدون أن يكلمه الله, أي بدون أن يسمع مباشرة الله عز وجل. La première chose, c'est par révélation, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, quand il révélait le Coran, il le révélait au prophète alayhi salam d'une de ces trois choses qui sont citées dans le verset. La première, c'est que Allah Azza wa Jal lui ramène la révélation en lui inspirant, c'est-à-dire il lui met dans son qalb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit dans son qalb sans que Jibril vienne et sans qu'Allah ne lui parle, il reçoit dans son cœur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min hadha, et par ça, le prophète alayhi wa sallam a dit: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة الباهلي قال البروفيت عليه الصلاة والسلام قال في حديث الله المستعان جبلي الحديث dans ce hadith là le prophète صلى الله عليه وسلم nous explique que Allah subhanahu wa ta'ala, une des façons avec lesquelles Allah Azza wa Jal envoie la révélation, il dit: Inna ruh al-Qudus, voilà, Inna ruh al-Qudus nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab wa la yahmilanna ahadukum istibta'u ar-rizqi أن يطلبه بمعصية الله فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. Le prophète a.s. a dit dans ce hadith-là que Ar-Ruh al-Qudus, wa huwa Jibril, nafatha fi raw'i. Il dit que Jibril a.s. lui a fait entrer, yani ma'na hadha annahu ja'a fi qalbihi alayhi salatu wa salam. Le sens de ça, c'est que Jibril a insufflé dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam une information. Quelle est-elle? Le fait, cette information, c'est que personne va mourir sans avoir pris toute sa part de subsistance et sans avoir passé tous les jours qui lui étaient destinés, sans avoir terminé sa vie. Allah Azza wa Jalla ne va pas te faire mourir avant la date de ta mort. Il ne va pas te faire mourir avant de t'avoir donné tout ce que tu dois recevoir. Minal al-ma'kal wal-mashrab wal-libas wal-awlad wal-usra wa ghayru dhalika kathir. Donc ce qu'on retient de ce hadith, et ensuite à la fin le prophète alayhi salam dit craignez donc Allah, et ensuite il dit que on ne doit rechercher ce qu'il y a chez Allah que par l'obéissance d'Allah. Le fait que quelqu'un ne reçoit pas la subsistance rapidement ne doit pas le pousser à désobéir à Allah pour gagner de l'argent ou pour gagner de la subsistance. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas mourir sans prendre toute ta part, sans prendre tout ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a écrit. Donc ça sert à rien de prendre de l'argent en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on retient ici que ça c'est une information. Hada khabar min an-nabi alayhi salam. Wa hada al-khabar min wahy Allah Azza wa Jalla. Et cette information elle vient de la révélation d'Allah. وكيف جاء هذا الوحي نفث في روعي. Et comment cette information est venue? Elle est entrée dans le, elle a été inspirée au prophète alayhi salatu wassalam. La deuxième chose, أو من وراء حجاب. وهذا المعنى أو معنى هذا أن الله عز وجل يكلم الرسول مباشرة من وراء حجاب لا يراه ولكن يسمعه كمن كموسى عليه السلام وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم. La deuxième façon de faire la révélation, c'est que Allah Azza wa Jalla parle directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il entend Allah, mais derrière un voile, il ne le voit pas. Ça s'est passé avec qui ça? Avec Moussa et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أو يرسل رسولا. من هذا الرسول؟ جبريل. Ou bien il envoie un messager. Qui est le messager? Jibril. Donc quand Allah fait descendre la révélation, il le fait par trois façons. Soit il inspire, il le met dans le cœur directement, soit il parle directement au prophète, soit il envoie un ange pour lui révéler ce qu'Allah veut. وقال تعالى لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبماذا وبكلامي. وقال وكلم الله موسى تكليما. Et ici Allah nous montre dans ces deux versets qu'il a parlé à Moussa. Allah a dit à Moussa alayhi salam, je t'ai choisi parmi les gens avec mes messages et ma parole. Et dans l'autre verset Allah dit, et Allah a bel et bien parlé à Moussa. وقال تعالى في شأن التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. Allah Azza wa Jalla aussi nous montre, quand il nous parle de la Torah, qu'il y a écrit un rappel et un détail pour chaque chose. وَقَالَ فِي عِيسَى وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلِ. Et quand il parle de Isa, il nous dit qu'il lui a donné l'Injil. وَقَالَ تَعَالَى وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Quand il nous parle du prophète Daoud, il nous dit qu'il lui a donné الزَّبُور. وَتَقَدَّمَ ذِكْرُهَا بِلَفْضِ التَّنْزِيلِ. أي في قوله تعالى وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية. Et donc il nous dit qu'il a déjà cité un verset pour nous dire qu'Allah a fait descendre ses livres. وقال تعالى في شأن القرآن لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Et quand Allah parle du Coran, il dit mais Allah témoigne لكن الله يشهد بما أنزل إليك. Témoigne de ce qui t'a fait descendre. أنزله بعلمه. Il l'a fait descendre avec sa science. Et les anges aussi attestent de la révélation du Coran. وقال تعالى فيه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit وقرآنا فرقناه أي أنزلناه مفرقا. Allah Azza wa Jal dit qu'il a révélé le Coran par fragment, par partie. Il n'a pas révélé d'un coup, il a révélé avec plusieurs parties. بحسب الوقائع تنزل الآيات وتنزل الصور. Allah Azza wa Jal n'a pas révélé le Coran directement, entièrement. Il a révélé en plusieurs parties. Pourquoi ? لماذا لتقرأه على الناس على مك أي على مهلة شيئا فشيئا ونزلناه تنزيلا. Allah Azza wa Jal dit qu'il a fait descendre le Coran par fragments, c'est-à-dire par morceaux, pour que le prophète alayhi salam le récite aux gens doucement, petit à petit. Wa qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bi lisanin arabiyyin mubin. Allah dit quand il parle du Coran que il est la révélation du Seigneur de l'univers avec lequel est descendu l'esprit digne de confiance. Man huwa ar-ruhul amin? Jibril alayhi salam. Jibril a ramené le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa qala ta'ala fihi ay fi al-Quran innal ladhina kafaru bidh-dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Ma ma'na hadhihi al-aya? Allah azza wa jalla ici dit certes ceux qui ont mécru au rappel bidh-dhikr wa dhikru huna huwa al-Quran. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. يبقى شيء هنا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ. ماذا هؤلاء؟ ماذا الله ما قال الجواب وما ذكر الباقي؟ لأن الباقي ظاهر وهو إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ خَسِرُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. الله عز وجل ici quand il nous parle du Coran, il dit, ceux qui ont mécru au rappel après qu'il leur est venu, et certes, c'est le livre puissant. Allah Azza wa Jal nous dit, certes, ceux qui ont mécru au livre, et ne nous dit pas la suite. Qu'est-ce qu'ils ont, ceux qui ont mécru au livre? La réponse, c'est une réponse qui est cachée. Et Allah a fait ça plusieurs fois dans le Coran. Elle est cachée parce qu'elle est claire. Qu'est-ce que c'est? Ceux qui ont mécru au rappel après qu'il leur est venu, ont échoué et ont complètement perdu dans ce bas monde et dans l'au-delà et se sont égarés, alors que c'est un livre puissant. Et Allah Azza wa Jal a fait beaucoup ça dans le Coran, dans plusieurs versets. Allah Azza wa Jal يريد أن نستعمل الذهن ونفكر ونتدبر. إن الذين كفروا بذكر لما جاءهم ماذا تتدبر حتى تفهم أنهم خسروا في الدنيا والآخرة. Maintenant, il reste combien de temps? Sual al-Thamanoun. La question 80. Question 80. Ma manzilatul Qur'an min al-kutubi al-mutaqaddima. Maintenant, la question 80, c'est quelle est la place du Qur'an par rapport aux autres livres? Qu'est-ce qu'il a le Qur'an par rapport aux autres livres? Hein? Ouais. C'est le meilleur des livres. Il n'a pas été falsifié. Il n'a pas été falsifié. Il est complet. Il est complet. C'est le dernier. Barakallahu fikum. Tout ça, c'est vrai. Mais particulièrement, c'est le dernier. Et aussi, mahfouz. Le Coran, il est préservé. Comparé à l'Injil, à la Torah. Allah Azza wa Jal a donné la responsabilité à l'Injil à الأحبار التوراة الأحبار والإنجيل الرهبان يعني أئمة النصارى واليهود. الله عز وجل a donné la responsabilité de la Torah aux on va dire ça les aux rabbins, et il a donné la responsabilité de l'Injil aux prêtres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont falsifié. Et le Coran, Allah Azza wa Jal, il a donné la responsabilité à qui? Hein? Là. C'est lui-même qui protège le Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Fa la yahfadhu al-Quran ila Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui a la responsabilité du Coran et qui préserve le Coran. فما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ كلا لا بلاس كال القرآن par rapport aux autres livres. La réponse, le jawab, قال الله تعالى وأنزلنا الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Donc ما معنى هيمنا عليه؟ نسخهم نسخها والقرآن ناسخ. نأخذ القرآن ونترك الباقي من الكتب. الله عز وجل ici nous a donné deux choses dans ce verset. Ryan, ne tends pas tes jambes. Allah عز وجل nous a donné deux points dans ce verset. Le premier, Allah dit, et on t'a fait descendre le livre en toute vérité pour montrer que les livres venus avant ont dit vrai. Yani que les livres d'avant ont été la parole d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, et pour prévaloir sur ces livres. Allez comme ça là. Pour prévaloir sur ces livres, c'est-à-dire pour prendre le dessus sur tous ces livres et les abroger. Et pour qu'on suive le Coran et qu'on ne suive plus les autres livres. Donc, on voit la grande place du Coran. On voit maintenant la grande importance du Coran par rapport aux autres livres. C'est que le Coran, il a pris la place sur les autres livres. Et il prévaloit, allez comme ça là, sur les autres livres. Donc, on n'a plus besoin de prendre ces livres-là, et on prend la parole d'Allah, le Coran. Donc Allah nous montre qu'il a révélé le Coran pour deux choses. Premièrement, pour montrer que les autres livres étaient la parole d'Allah. Et deuxièmement, maintenant, c'est le Coran qui prend le dessus. Wa qala ta'ala, wa ma kana hadha al-Qur'an wa an yuftara min dunillah, walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil al-kitab la rayba fihi min rabbil alamin. Allah ici, dans ces versets-là, Allah nous informe aussi que le Coran est venu pour nous montrer que les livres d'avant étaient bien la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au sujet duquel il n'y a pas de doute. Wa qala ta'ala, ma kana hadithan yuftara, walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqawmi yu'minun. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit que ce n'est pas une invention. C'est-à-dire, c'est bien la parole d'Allah, ce n'est pas une invention. Mais c'est un livre qui est venu dire que les livres qui sont venus avant ont dit vrai, et qui est venu détailler toute chose, car toute chose est détaillée dans le Coran. Toute chose est détaillée dans le Coran. « وَمِنْ بَابِ الرَّاحَةِ أَذْكُرُ لَكُمْ قِصَّةِ » Et pour se reposer, je vous raconte une histoire qui montre que dans le Coran, il y a tout. On a dit que dans le Coran, il y a tout. Sahih? Al-Quran fihi kullu shay? Na'am. Biduni adna shak. Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Wa la yafhamuhu illa man razaqahu Allahu 'azza wa jalla fahman sahihan. Et ne comprend ça que celui qui a une science. De la science et de la bonne compréhension. Il y a un homme qui faisait du pain. Cet homme-là, il faisait du pain, un boulanger qui cuisinait du pain. Yatbakh al-khubz, yasna' al-khubz. Fadia'ahu wahid wa qala lahu, taquluna bi anna al-Qur'an fihi kullu shay. Fak, kayfa sana'ta hadhi al-khubza? Hadha laysa madhkuran fi al-Qur'an. Kayf nasna' al-khubz? قال له هذا مكتوب في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Cet homme-là, il faisait du pain, et un homme est venu le voir et lui a dit, vous dites que dans le Coran il y a tout, dans le Coran il n'y a pas marqué comment on fait du pain. Il lui a répondu, si Allah a dit dans le Coran, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et معنى que le Coran nous dit, quand tu ne sais pas quelque chose, va demander à celui qui sait. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous montre que dans le Coran, il y a trois choses. An Allah ja'ala al-Qur'ana hudan wa rahma. Allah subhanahu wa ta'ala a fait du Coran un guidé. et une miséricorde. قال أهل التفسير مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير ولهذا عليكم السلام ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه قال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. Les explicateurs du Coran ont dit que ce qu'Allah nous dit dans le verset que le Coran prévaloit sur les autres livres a pris le dessus sur les autres livres, c'est-à-dire que maintenant le Coran c'est lui qui est pris en compte et que le Coran atteste que les livres qui sont venus avant ont été la parole d'Allah et le Coran vient dire que toutes les informations dans les livres anciens qui sont vraies, le Coran nous dit que c'est des vraies informations et toutes les informations qui ont été falsifiées et changées, le Coran nous montre la vérité dans ces questions qui ont été changées. Ensuite, le Coran a abrogé les autres livres. Il a abrogé certaines des règles qui étaient dans les autres livres, c'est-à-dire il les a effacées, il les a changées ou annulées, et il en a laissé des autres. Il en a laissé des autres. C'est pour cela que celui qui vraiment suit le livre qui est révélé avant le Coran doit suivre le Coran. Car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ceux à qui nous avons donné le livre avant celui-là, c'est-à-dire avant le Coran, الذين آتيناهم الكتاب من قبل أي من قبل القرآن هم به يؤمنون يؤمنون بالقرآن. Ceux qui ont reçu le livre avant le Coran croient au Coran. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ وَهَذَا بِإِيمَانِهِمْ بِالْكُتُبِ الْقَدِيمِ الْمُتَقَدِّمَةِ. Donc Allah Azza wa Jalla nous montre que ceux qui ont reçu le Coran parmi les gens du livre qui étaient sincères dans le suivi des ordres d'Allah Azza wa Jalla, ceux qui ont suivi les livres qui étaient avant le Coran, lorsque le Coran a été révélé par Allah Azza wa Jal, ils y ont cru. Et ils se sont attachés au Coran. Et ils ont délaissé les livres qui étaient avant. Et lorsqu'on leur récitait les versets du Coran, ils disent, nous y croyons, c'est la vérité de notre Seigneur. Et avant cela, nous étions soumis. Ils étaient soumis parce qu'ils suivaient les livres qui étaient révélés avant. Allah a dit, أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا عَمِلُوا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ensuite Allah dit, voici ceux qui recevront une double récompense. Ils ont reçu une double récompense parce que ils ont cru au livre qui leur a été révélé, et quand le Coran a été révélé, ils ont pris le Coran, alaykoum salam, et ils s'y sont attachés et ils y ont cru, donc ils ont la récompense du suivi du livre d'avant le Coran et la récompense du suivi qu'ils ont eu pour le Coran. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله